nous saluons chacun de vous au nom de Jésus Christ. Na salimia kila mmoja wenu mujina ya Bwana Yesu Kristo. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. Qui est Bwana Yesu Amaye Kupitale Amaye Kupitale Céleste est notre Dieu. Baba wa kumbingu na Mungu wetu. Nous venons en ta présence ce matin pour te dire merci. Tunakuja mwepo wako asubuhi ya leo juu ya kusema asante. Accorde ton souffle de vie. Kwa ajili ya pumzi yako ya uzima. La santé que tu nous as donnée. Kwa ajili ya afya njema ulitupatia. Pour conduire nos pieds en ces lieux pour écouter ta parole. Juu ya kufika pa hifadhi na juu ya kusikia neno lako. Merci Seigneur. Asante Bwana. Pour tous tes bienfaits. Nous nous inclinons devant ta présence. Nous ne sommes rien. Comme on venait de les chanter, Seigneur. Nous sommes des mortels. Nous sommes des pécheurs. Il n'y a rien de bon en nous. C'est pourquoi nous te demandons pardon. D'une manière ou d'une autre, nous t'avons offensé. Viens au Père et parle-nous encore ce matin. Conduis-nous d'une manière particulière pour éclairer notre intelligence afin que chacun de nous prenne au sérieux son salut. Nous sommes au temps de la fin. Bientôt, les portes de la grâce vont se fermer et l'Église sera enlevée. Seigneur, nous voulons être les participants à cette grande promesse. Nous voulons voir ta face au Père, mais nous ne pouvons pas la voir sans le Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, accorde à chacun de nous la grâce d'être scellé par le baptême du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Bénis cette église. Guéris les malades au milieu de nous. Sauve les perdus. Amène vie sanctifiée. Amène la paix dans les cœurs. Et bénis toute la congrégation. À partir des conducteurs jusqu'au laïc au Père. Tu connais les projets de cette église. Seigneur, bénis chacun de nous. Et bénis cette église, Seigneur. Merci Père. Sois avec nous ce matin. Parce que c'est cela ta promesse. Tu as dit, tu seras là où les gens se rassemblent à ton nom. Viens Seigneur et parle-nous. Donne-moi un entendement meilleur. Moi qui veux parler, donne-moi des termes simples pour éclairer ton peuple. Et que le Saint-Esprit fasse son œuvre, Père. Merci Seigneur. Bénis ta parole. Souviens-toi des frères et des sœurs qui sont malades, ceux qui sont en difficulté. C'est toi notre Père qui a solution à toutes choses. Merci Seigneur, du début à la fin de ce culte, sois avec nous, au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Daniel 9, Daniel, sura yake ya 9, verset 25, jusqu'au verset 27. Nous prendrons aussi Daniel chapitre 7. Daniel sura 7. Nous lirons le verset 21. Nous prendrons le verset 24. Et le verset 25. Je crois que chacun de vous a son syllabus. S'il y a un frère qui manque, pas celui qui a déjà reçu le syllabus. Si tu as reçu et tu l'as oublié à la maison, il est important que tu suives là. Si celui qui n'a pas reçu au courant de la semaine, il peut lever sa main, les diacres verront, ils vont le remettre. Ok. Mzuri. Daniel au chapitre 9. Danieli sura yake ya kenda. Sache-le donc et comprends. Verset 25. Makumi mbili na tano. Uijue basi na uelewe. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie au conducteur. Tangia wakati ile neno ilitangaziwa kwa Yerusalemu ya kwamba Yerusalema itayengulula kufika na kumasia. Akulufu ya masia. Na kulufu la masia. Iya 7 semaines. Kuna kuwa majuma 62 semaines. Kuna kuwa majuma 7 na majuma 16 na les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Mabiwanza na mashimo bataitengeneza alakini mwa nyakati ya mbaya. Kati ya mvita. Ya mvita. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura pas de successeur. Kisha majuma 62, Masia atauawa na astakuwa na wakumkombola. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Taifa ya mkubwa ule atakuja itaribu muji na ekalu, et sa fin arrivera comme par une inondation. Na mwisho yake tafika sawa gariga. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Inachukuliwa mpango ya kwamba uharibifu itagawia kufika na mwisho ya vita. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Atafanya agano ya nguvu na watu mingi ile tagawia juma mzima. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et les sanctuaires. Katikati ya juma atasimamisha sadaka pamoja na matoleo. Les dévastateurs commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Huyu mwaribifu atetenda bitu vya makufuru kufika na pale uharibifu kufika na pale uharibifu ile ilichuguliwa itamwangukia huyu mwaribifu. Dans Daniel au chapitre 7. Daniel sura 7. Verset 21. Mstari wa 21. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Naliona hii pembe kupika vita watakatifu na kuwawina kuwashinda. Dans son verset 24 à 25. Makumbili na ine makumbili na tano. Les dix cornes. ce sont du roi qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps. Kadiria nyakati ya nyakati et la moitié de temps. Na kipande ya nyakati. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Wana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Depuis vendredi. Tangia mukastano. Nous avons commencé à parler sur la dernière semaine qui touche les 70 semaines de Daniel. Tulianza kusemea yulu ya juma ya mwisho yenye kugusa majuma 17 ya Danieli. Cette semaine qui fut interrompue à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ile juma walisimamisha wakati Bwana wetu Yesu Kristo alikufa. Lorsque les 69 semaines de Daniel furent accomplis. Ni wakati ile majuma makumi sita na kenda ya Danieli ilitimilika. Nous avons dit vendredi. Tulisema musiku wa kastano. Que cette dernière semaine de Daniel. Ya kwamba hii juma ya mwisho ya Danieli. Est divisée en deux parties ou en deux périodes. Wanaigawanya muvipande mbili wala mwanyakati mbili. Il y a la première partie de 3 ans et demi. Kuku kipande ya kwanza ya miaka tatu na kipande. Où Israël est en paix. Mule Israël iko katika salama. Et il y a la deuxième partie de la semaine. Na kuku kipande ya pili ya juma. Et la dernière. Na ya mwisho. De 3 ans et demi. Ya miaka tatu na miezi sita. Où il y a des troubles en Israël. Mule mutakuwa mavuruko mu Israël. Nous avons dit vendredi ceci. Tulisema mukazi ya tano hivi. Dans la première partie de la paix, mukipande ya kwanza ya salama, l'Antichrist n'aura pas une domination ou un pouvoir absolu sur toute la terre. Mupinga Kristo hatakuwa na utawalo yule ya dunia yote mzima hapana. Parce que à cette période-là, wani mwile wakati ile, en Israël il y aura des oints, deux prophètes ou deux oliviers. Mu Israeli mutakuwa bapakaliwa wawili wala manabii mawili. Qui exercent toute leur puissance. Benye kutumia. Qui exercent leur ministère. Benye kutumikisha mautumishi yao na uwezo yote. Sous toute la puissance divine. Chini ya ongozi yote ya Mungu. Ils sont au service de Dieu pour appeler les 144 000 afin qu'ils soient scellés du Saint-Esprit et aucun mal ne peut leur arriver. Et pendant que ces deux oints sont en train d'exercer leur ministère, toute la terre est dans le tremblement. Même l'Antichrist ne peut rien faire. Mais après que ces 3 ans et demi, la première partie soit terminée, l'alliance sera brisée. C'est à ce moment-là que le temps de la persécution va commencer. Et nous avons dit que c'est pendant cette période de la tribulation de troubles, Satan descendra pour s'incarner dans l'Antichrist, le pape pape qui deviendra la bête. Shetani atashuka na kuingia ndani ya mpinga Kristo mwenye kwa papa na kwa nyama. Et pendant cette période, na, ni mwile wakati, que l'antichrist, le pape, la bête, mpinga Kristo, papa wala mnyama, aura toute domination sur la terre. Atakuwa na utawala yote pa dunia mzima. Il va contrôler tout le monde. Ataongoza kila mtu. Et rien ne peut lui échapper à cette période-là. Hakuna kitu kile kitapita pembeni yake mwile wakati. C'est ce que nous vous avons dit vendredi. Après l'enlèvement de l'épouse, kisha kunyanyuliwa kwa bibi harusi, l'état de Vatican, serikali ya Vatican, en particulier le pape de Rome, kwa upeke huyu papa wa Roma, va conclure une alliance atafanya agano moja avec Israël, na Israeli, avec l'organisation de la libération de la Palestine, na matengenezo ya kuacha huru Palestina, qui est abrégé OLP. Ile wanaita mufupi OLP. Et tous les pays arabes voisins, na mainchi yote ya waarabu wa jirani, pour une semaine, kadiri ya juma mzima, après l'enlèvement de l'épouse, kisha kunyanyuliwa kwa bibi harusi, Roma, particulièrement la cité de Vatican, kwa upeke ni ile muji ya Vatikani, à sa tête le pape, kichwa yake utakuwa ni papa, qui est le chef de l'église catholique, mwenye kwa mkubwa wa kanisa katoliki, fera une solide alliance, atafanya agano ya nguvu wala masikilizano ya nguvu, avec plusieurs pour une semaine, na watu mingi kadiri ya juma mzima. C'est plusieurs dont on parle. Wale watu mingi wanasemea. C'est Israël. Kwanza ni Israeli. C'est l'organisation de la libération de la Palestine. Na, hii matengenezo ya kuacha huru Palestine, qui est essentiellement composé des États arabes. Yenye kutungwa na mainchi ya Kiarabu. Et tous les pays arabes voisins à Israël. Na miji yote wa jirani kando kando ya Israeli. C'est ce qu'ils feront. Joile watafanya. Cette alliance ou ce traité de paix, ile agano wala masikilizano ya salama, sera en rapport, itakuwa yenye kuambatana, yenye kuangalia, avec la ville de Jérusalem, yenye kuangalia muji ya Yerusalema, et sur la religion monothéiste, na yenye kuangalia yulu ya dini ya kuamini Mungu moja tu. Toutes ces religions qui croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, hii madini yote yenye kuamini ya kwamba kuku Mungu moja tu, qui sont renfermés, yenye kutungwa, qui sont renfermés, yenye kupatikana, dans le judaïsme, mokiyuda, chez les chrétiens que j'ai appelés les faux chrétiens, kubakristo benye tunaita bakristo babongo, parce que c'est particulièrement les catholiques qui combattent pour Jérusalem. Kwa upeke ni kanisa katoliki na kombania ya Yerusalem ya magharibi. Et l'islam, na kiislamu, qui croient en un seul Dieu, benye kuamini nabo ya kwamba kuku Mungu moja tu. Cette alliance que fera l'antichrist avec Israël et les pays arabes, hii muungano wala masikilizano ile tafanya mupinga Kristo na Israeli na wainchi wa Arabu, est en rapport avec la ville de Jérusalem. Manake iku naangalia ni muji ya Yerusalema. Concernant la religion monothéiste. Na ni yenye kuelekea kidini cha kuamini Mungu moja tu. Entre Israël, katikati ya Israeli, et les faux chrétiens catholiques, na ba Kristo ba bongo ba kikatoliki, et les musulmans, pamoja na waislamu. Dans les temps passés, les années passées, mumanyakati ilipita, miaka ilipita, le Vatican a fait plusieurs traités. Vaticano ilifanya maungano mingi wala masikilizano ya mingi. Mais ces alliances n'étaient pas l'accomplissement de Daniel 9 au verset 27. Alakini ile maungano wala masikilizano haikukua kutimilika kwa Danieli 9 makumi mbili na tano. En 1994, le Vatican ou l'État de Vatican et l'État d'Israël avaient signé un traité de paix diplomatique qui normalement est signé entre tous les états du monde, ile kwa kawaida ma inchi yote ulimwenguni kunafanya, entre état et état, katikati ya inchi fulani na inchi ingine, avec l'échange d'ambassadeurs, manake na kubadilishana balozi. Mais en 1994, alakini au 1994, lorsque Vatican et Israël signèrent un traité de paix diplomatique, wakati le Vatican na Israël orifanya masikilizano ya kisiasa, et ce traité diplomatique de paix, na ile masikilizano ya kisiasa ya salama, était une alliance ordinaire, ilikuwa ni masikilizano tu ya kawaida, d'état en état, ya ichi ingine na ichi moja na ichi, avec échange diplomatique, na kubadilishana mabalozi. Et ce traité était nécessaire, il est masikilizano ilikuwa ya mafaa, pour préparer la voie aux négociations futures, ya kutayarisha njia ku ile masikilizano itakuja, sur la ville de Jérusalem, yulu ya muji ya Yerusalema. Il y a eu des prédicateurs qui disaient, ulikuwa baubiri walikuwa nasema, comme Vatican a signé avec Israël, sawa vile Vatican wanasikilizana na Israeli, c'est l'accomplissement de Daniel 9 au verset 7. Marko anasema kwamba ni kutimilika kwa Daniel 9 mstari ya 7. Non, cela n'est pas vrai. Haina kweli. Parce que ce traité ou cette alliance agano, va se faire après l'enlèvement de l'épouse. Agano tunasemea hii, itafanika nikisha bibi harusi kuenda. Et dans le verset 27 de Daniel 9, il y a un élément très important qu'il faut noter. Mustari ya makumi na saba ya Daniel 9 muku shina moya mafaa ya kushika. La Bible dit, Biblia inasema, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Raki Israeli atafanya muungano na watu mingi. Il est ya nguvu kabisa, il est agawia juma mzima. Mais quand vous voyez les traités de 1994, ukiangalia hii masikilizano ya 1994, Vatican l'avait fait seulement avec Israël. Vatican alifanya na Israël tu. Et cela ne pouvait pas concerner d'autres nations. Aikueleke mainchi ingine hapana. Mais sur le plan prophétique, kwa kuangalia unabi, cette alliance est nécessaire, hii ungano ni ya mafaa, parce que cela prépare et ouvre la voie, wani kuna tayarisha na kufungua mlango, aux négociations futures, wile matenge masikilizano itakuja, à qui se feront entre Vatican, Israël et les autres états arabes. Il est tafanika katikati ya Israël et Vatican na mainchi ingine ya Uarabu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. L'alliance de Daniel 9 verset 7. Mungano ya Daniel 9 makumi mbili na saba. Ici il s'agit, manaki mungano ni, d'établir les droits et les devoirs, ya kutimiza mahalali na mapasha, de trois religions mondiales sur Jérusalem, Manake ni kuweka mu Yerusalema hii madini tatu ya ulimwengu mzima. Cette alliance Iagano de Daniel 9 verset 27 ya Daniel sura 9 mstari wa 27 a pour une mission spéciale iko tuna kifukuzio cha msingi d'établir ya kuweka les droits et les devoirs marusa na maalali de trois religions mondiales ya, sur Jérusalem. Ya kuyenga imadini tatu ya ulimwengu mzima mumuji ya Yerusalema. Il faut qu'Israël inapasha Israeli. Il faut que les catholiques inapasha ba katoliki. Il faut aussi que les arabes inapasha tena wa arabu. Et un mot à dire sur la ville de Jérusalem. Ils doivent avoir des devoirs. Ils doivent avoir des droits sur Jérusalem. Parce que tous kwani bote considère Jérusalem wanawazia kwamba Yerusalema comme la ville sainte de leur religion ya kwamba ni mji takatifu ya dini lao. Et pourtant cela est faux, japo ile mawazo ni ya bongo, comme nous l'avons montré vendredi, vile tulionesha musiku ya kazitano. La ville sainte pour les musulmans, mji takatifu ya waislamu, c'est la Mecque. Ni Mecca. Ils ont d'autres villes comme Médine, Médine Najaf en Irak, Najaf boule ku Irak, Karbala en Iran, Karbala boule ku Iran. Ce sont leurs villes saintes. Ile ni mamiji yabo takatifu ya waislamu. Les catholiques, ba katoliki nabo, ont le Vatican, comme la ville sainte, les villes saintes. Kawa muji yabo takatifu. Ils ont Lourdes, Dekona Lourdes et Fatima, na Fatima comme des villes saintes na miji yabo takatifu, et d'autres villes entresemées dans le monde. Na miji ingine kunapatikana mulimwengu mzima. Mais il n'y a qu'Israël, huko tu Israel, qu'il n'y a qu'une seule capitale au monde, yenye kuwa na muji tu moja munene mulimwengu, qui est Jérusalem. Yenye kuwa Yerusalema. Israël n'a pas deux capitales, n'a pas deux villes saintes. Israël ana na miji mbili takatifu hapana. Israël n'a pas deux capitales au monde. Israël ana na miji mbili munene mulimwengu mzima hapana. Mais il n'y a que lakini ni paka Jérusalem. Jérusalem tu. Une ville qui fut choisie par Dieu lui-même. Ni muji le Mungu yeye mwenyewe alichagua. Depuis l'Ancien Testament. Tangia agano la kale. Même avant David. Atambele ya Daudi. Même avant Salomon. Atambele ya Salomon. Dieu avait choisi. Mungu alichagua. Lui-même de demeurer à Jérusalem. Apate kukaa mu Yerusalemu. Et d'y placer son nom. Apate kuweka mu jina lake. Et tous les enfants d'Abraham. Na batoto bote ba Ibrahimu. De la postérité. Ba uzao d'Abraham ya Ibrahimu, devait aller à Jérusalem pour adorer. Alipashi kuenda ku Yerusalemu juu ya kuabudu. Et aucun autre peuple, na kuna taifa ingine, aucune autre nation, na kuna inchi ingine, ne pouvait réclamer Jérusalem comme sa ville sainte. Alipashi kutafuta Yerusalemu ikuwe mji ambao, comme je l'ai signalé vendredi, si les musulmans avec l'islam, avec les pays arabes, ainsi que les catholiques, qui ne sont pas les véritables chrétiens, sont en train de réclamer la ville de Jérusalem comme leur ville sainte, c'est seulement par provocation. C'est par provocation qu'ils provoquent Jérusalem, ils provoquent les Juifs. Mais cela n'est pas vrai. C'est par méchanceté. Mais Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël. Elle a été capitale sainte de Jérusalem. Ilikuwa ni mji mkubwa takatifu ya Yerusalemu. Elle est là. Elle sera. Na itakuwa kapaka vile. Même dans les millénaires. Même dans l'éternité. Ça sera la ville d'Israël. Itabakia paka mji munene ya Israeli. Voyez bien mes frères. Naona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Naona dada mpendwa. Donc dans cette alliance. Manake muhimu ungano. De Daniel chapitre 9 verset 7. Daniel 9 makumbi na 7. Cette alliance a pour mission. Ia gano iko na kifukuzio. D'établir les droits et les devoirs. Ya kuweka marusa na mahalali. De ces trois religions. Ya hii madini tatu. Mondiale sur Jérusalem. Ya ulimwengu mzima yulu ya muji ya Yerusalemu. Et pour mener les négociations qui aboutiront à cette alliance. Babo kufika kuima tengenezo ya masikilizano ili tafika kuia gano. Dans le monde entier. Ulimwengu mzima. Il n'y a que le pape. Kuko paka papa. Qui peut le faire? Joana wezi kuifanya, kuiweza. Pourquoi? Jianini? C'est lui seul dans le monde entier. Yeye peke yake mulimwengu mzima. Qui jouit d'une confiance. Jo ule wanatumainia. De tous les pays dans le monde entier. Wanatumainia kumainchi yote ulimwengu mzima. C'est l'homme de la situation. De la situation. Yeye njo mutu wa imambo. Un diplomate fin. Mutu moja wa kujua kikisiasa. Il est très rusé. Eko mujanja. Il sait bien parler. Anajua mzuri kusema. Il sait convaincre. Anajua kuhakikisha. Il a une haute autorité, une haute philosophie. Eko na mawazo ya juu. Il raisonne bien. Anafikiri mzuri. Et son raisonnement. Na mafikiri yake. Est acceptable par tout le monde. Inaitikiwa na watu wote. C'est pourquoi déjà. Jo kwa maana tangia zamani. Vatican a déjà signé les traités de paix. Vatican ishafanya mahusiano ya salama. Avec Israël. Na Israeli. Et avec les États arabes. Na mainchi ingine ya Uarabu. Séparément. Yenye kwa chana chana. Vous voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Mais ces traités. Na lakini hii muungano. Qui furent signés séparément. Ile walifanya mnamo kwa chana. Prépare. Inatayarisha. Les négociations futures. Ile masikilizano itakuja. Sur la ville de Jérusalem. Lulu ya mji wa Yerusalemu. Afin que toutes les religions. Ili madini yote. Le judaïsme. Ya kiyuda. Le faux christianisme. Ya kikristo ya bongo. Ainsi que. Ainsi. Pamoja na kiislamu. Que les musulmans, na wa islamu, voyez, munaona, puissent maintenant wapate sasa, marcher ensemble. Kutembea pamoja. Vous voyez bien mes frères. Munaona ndugu mpendwa. Vous voyez bien mes sœurs. Munaona dada mpendwa. C'est seul le pape. Peke yake ni huyu papa. L'antichrist. Mupinga Kristo. Est respecté par tous. Ule watu wote wanaheshimia. C'est pourquoi vous voyez même aujourd'hui. Kama mna mtaona hata leo. C'est le seul homme dans le monde. Ni mtu tu peke yake ulimwengu mzima. Qui est en mesure. Ule komukimo. De faire les négociations politiques. Ya kufanya masikilizano ya kisiasa. Et en même temps. Tena. Il conduit les négociations religieuses. Eko naongoza tena na masikilizano ya kidini. C'est le même homme. Ni mtu moja moja ule. Le seul chef. Même aujourd'hui, qui est respecté dans la politique et dans la religion. C'est le seul homme dans le monde, même aujourd'hui, qui est considéré comme le pacificateur. Il est très écouté. C'est pourquoi il sera la pièce centrale de toutes ces négociations sur la ville de Jérusalem. Parce qu'il est écouté par les Juifs, il est écouté par les chrétiens et même par les musulmans. Alors il est capable de mener bien ces négociations dans la rue. Pour aboutir à un accord pour tous. Il leur dira, nous n'avons pas le droit de nous de nous bagarrer. Hatuna na ruhusa ya kukokotana sur cette ville sainte. Yulu ya muji takatifu. Que nous tous nous reconnaissons comme la nôtre. Ile sisi wote tunatambua kuwa yetu. Vous Israël. Moye ba Israël. Vous dites que vous dites est la vérité. Muna ile munasema ni ya kweli. Vous êtes les enfants d'Abraham. Muko watoto ya Ibrahimu. Et vous êtes les enfants d'Isaac. Na muko watoto wa Isaka. Nous sommes reconnaissants que c'est votre capitale. Tunajua kwamba ni muji yenu munene. Parce que votre roi. Wani mfalme wenu. Le grand roi David. Et le grand roi Salomon, qui est reconnu dans la Bible, et même dans toute l'histoire, a régné sur Jérusalem. Il dira aux musulmans, vous aussi, vous êtes les enfants d'Abraham, par votre mère Agar. Ismaël est le fils d'Abraham. En tant que fils d'Abraham, il a le droit d'hériter une portion de la terre d'Abraham. Et il dira aux Juifs, calmez-vous. Vous êtes des frères. Et vous n'avez pas le droit de vous bagarrer. Vous êtes des frères venant d'un seul père, mais de deux mères différentes. Et il dira, nous aussi les catholiques, nous les chrétiens, même aujourd'hui, quand nous allons en Israël, quand on parle des chrétiens, ce ne sont pas les protestants. Quand vous arrivez en Israël, quand on parle des chrétiens, ce sont des catholiques. Vous voyez? Et il dira aux deux, c'est vrai que vous, vous avez le droit sur cette ville, à cause d'Abraham votre père, mais nous aussi, nous avons le droit sur cette ville, parce que c'est là où notre sauveur a été tué. Nous sommes aussi les enfants d'Abraham, mais par Jésus-Christ. Et nous avons le droit de, nous avons le droit sur Jérusalem. Et au-delà de cela, nous tous nous croyons un seul Dieu. Vous vous l'appelez Jéhovah. Nous l'appelons Dieu le Père. Et les musulmans l'appellent Allah. Vous voyez bien mes frères. Voyez bien mes frères. Il va mener donc ces négociations jusqu'à l'aboutissement. C'est comme je l'ai dit vendredi. C'est avec cet accord. C'est seulement avec cet accord que Israël aura l'autorisation de rebâtir son temple à Jérusalem pour adorer à la manière ancestrale, à la manière de l'Ancien Testament, selon la loi de Moïse. Aussi longtemps que cette alliance, cet accord, ce traité de paix ne sera pas conclu, Israël, peu importe sa puissance, ne peut jamais reconstruire son temple. Vous voyez? Il peut être secouru par les États-Unis. Mais s'il n'y a pas d'alliance, ce sera difficile pour lui. Parce que tous les États arabes du monde s'élèveront pour attaquer Israël. C'est pourquoi ces négociations sont nécessaires. Regardez dans le verset 27 là où nous sommes, dans la partie 2. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Les Juifs Wayuda espèrent avec la reconstruction du temple à Jérusalem de restaurer leur adoration à la manière de l'Ancien Testament et selon la loi de Moïse. Wanatumainia wapate kurudisha kuabudu kwabo mnamna ya zamani agano la kale. Ils offriront de nouveau batatoa tena des sacrifices animal mazabihu et ils offriront des offrandes batatoa tena na masadaka comme ça se faisait dans l'Ancien Testament. Ile ilikuwa nafanyika mwa agano la kale. Et pourtant, nous les chrétiens, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'aller dans un temple naturel avec un agneau, un veau ou un bouc pour offrir un sacrifice. Non mon frère, apana, non ma soeur. Ndugu yangu, apana, ndugu yangu. Pourquoi? Pianini? Dieu nous a déjà offert un agneau parfait. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Wetu Yesu Christo. Nous n'avons plus besoin du sang animal. Damu ya nyama, apana. Nous avons maintenant sasa hivi tuko le sang de Dieu na damu ya Mungu qui intercède mieux que le sang animal. Kushindia damu ya nyama. Mais c'est Israël. Alakini ni Israeli. Ce sont les Juifs ni Wayuda qui encore aujourd'hui naleo sont encore aveuglés parce qu'ils ont rejeté leur Messie. Ils ne les croient pas. Ils ont encore le souci. Ils ont encore la soif de reconstruire le temple à la manière dont il fut construit dans l'Ancien Testament selon le plan que Dieu avait montré à Moïse et d'adorer selon la loi de Moïse. Si cette alliance n'est pas conclue, Israël ne peut jamais et jamais reconstruire son temple et son adoration ne peut jamais recommencer. C'est vrai. Cependant, cette période de paix que Dieu enverra les deux prophètes, les deux témoins, Élie et Moïse, selon Apocalypse 11, comme nous l'avons lu vendredi. Réalisons cela pour prêcher aux Juifs afin d'appeler les 144 000 et leur seulement. Apocalypse 11, vous pouvez lire tous les chapitres. Je prends le verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Awa ni mizabibu mbili na binara mbili yenye kusimama mbele ya Bwana pa dunia. Pendant que ces deux prophètes, ile wakati yao wanabii wawili, d'Apocalypse 11, ya Ufunuo sura 11, sont en train de prêcher aux Juifs, wakati ile wataanza kuhubiri kwa Yuda, pour leur annoncer l'évangile du salut, pour leur annoncer l'évangile de Christ, pendant cette période, ils vont appeler les 144 000 Juifs et les 144 000 seront scellés. Après la reconstruction du temple, kisha kuchengulula kwa hekalu, les Juifs Bayuda inviteront le pape, batamwalika uyu pape, pour qu'il aille à Jérusalem, juapate kuenda ku Yerusalema, visiter le temple reconstruit. Wangalia ile hekalu waliengulula. Après que le temple de Jérusalem soit fini, les Juifs commettront une grosse erreur. Ils inviteront le pape à venir visiter le temple reconstruit. Pourquoi ils vont l'inviter? Kwa nini watamualika? C'est pour l'honorer. Nitu ya kumuheshimu. Parce que c'est l'homme qui les a aidés à ramener la paix en Israël. Kwani ni mtu aliwasaidia kurudisha salama mu Israeli. Et particulièrement à Jérusalem. Na kwa upekee mule mu Yerusalema. Pour que Israël ait l'autorisation de rebâtir le temple pour son adoration. Israël a pas quoi na rusa ya kuyengulula hekalu yabo juu ya kwa. Et les Juifs, nao wayuda, par reconnaissance, wa shukrani, envers le pape, mbele ya papa, de cet acte qu'il avait fait, ya ile tendo alifanya, de ces négociations qu'il avait menées, ya ile masikilizano alifanya, qui avait abouti à l'alliance, ile ilifika kuagano, et à l'autorisation de la reconstruction du temple à Jérusalem, ya kuyengulula hekalu ku Yerusalema, c'est par reconnaissance kupitia shukrani que Israël, les Juifs vont l'inviter. Ndio pale wayuda watamuita papa wamwalike. Et lorsque le pape, wakati papa, répondra à l'invitation, atajibu kumwaliko, il viendra à Jérusalem, atakuja ku Yerusalema, et il entrera dans le temple de Jérusalem, ataingia mu hekalu ya Yerusalema, avec tous ses apparats sur lui, na wote wa kumuongoza, wa kum... non, na mapambo, mapambo yake yote, il sera habillé, atafamu namna, comme véritablement un grand roi qui est digne d'honneur et de respect. Heshima na shukrani na utukufu. Vous savez comment le pape s'habille? Unajua namna kani papa yuko navaa? Il sera très bien habillé. Atavaa mzuri kabisa. Avec son chapeau royal. Kofia yake ya mfalme. Il aura son bâton royal. Atakuwa na bakora yake ya mfalme. Il entrera dans le temple. Ataingia mu hekalu. Sur invitation des Juifs. Yule ya mwaliko ya Wayuda. Qui lui voulait la reconnaissance. Wale walipenda kumshukuru. Pour qu'il visite ce qu'ils ont accompli. Apate kuangalia ile nyoa avec son aide, walitimiza kupitia msaada yake. Et quand lui y entrera, yeye ataingia mwekalu, dans le temple, mwekalu, c'est à ce moment-là ile wakati que 2 Timothée, chapitre 2 verset 3 et 4 s'accomplira littéralement. Itatimilika kabisa. Jusqu'aujourd'hui, cette écriture ne s'est pas encore accomplie littéralement. Deuxième Thessaloniciens. L'église est avec moi. Deuxième Thessaloniciens. Chapitre 2. Sura yapili. Verset 3 Mustari à 4. Que personne ne vous séduit d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Le fils de la perdition. L'adversaire. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez, lorsque le pape wakati ile papa sera invité par les juifs watamwalika kwa wayuda pour qu'ils viennent visiter le temple reconstruit par son aide, et pour manifester leur reconnaissance, le pape apparaîtra à Jérusalem, et il entrera dans le temple de Jérusalem pour le visiter, avec tous les apparats royaux, et il ira jusqu'à s'asseoir sur le trône, sur la chaise qui sera dans le temple, et c'est à ce moment-là, il va réellement se proclamer comme Dieu. Dans Daniel chapitre 11. Daniel sura 11. Au verset 36. Daniel au chapitre 11. Daniel sura 11. Au chapitre 36. C'est l'accomplissement de ce verset. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Vous voyez bien mes frères et sœurs. Deuxième Thessalonicien. Wa Thessalonica wa pili. Au chapitre 2. Sura mbili. Dans son verset 3 et 4. Musari ya tatu na ya ine. S'accomplira littéralement. Tatimilika kabisa kabisa. Lorsque le pape. Wakati le papa. L'antichrist. Mupinga Christo. Sera invité par les Juifs à Jérusalem pour visiter les temples que les Juifs avaient construits avec son aide. Vous voyez, c'est à ce moment-là que cette écriture s'accomplira. Lorsque le pape entrera. Wakati le pape ataingia. Premièrement, kwanza, les Juifs wayuda croiront à ce faux messie. Watamwamini huyu masia wa bongo. Lorsque le pape wakati le papa entrera dans ce temple, ataingia mwile ekalu. Les Juifs tomberont dans leur piège et dans son piège. Ils vont les traiter comme un messie qui leur a accordé la paix, qui a conduit à la construction du temple et à leur adoration. C'est pourquoi, premièrement, les Juifs croiront à ce faux messie. Ils tomberont dans les pièges. piège de l'aide que le pape leur avait accordée pour qu'il y ait paix et reconstruction du temple. Et c'est alors que Christ descendra et se révélera aux Juifs comme un de l'Alliance et anéantira l'adversaire. Na atamuponda wala kumteketeza ule adui. Quand le pape sera invité, wakati ile papa watamwalika, il entrera dans son temple, dans le temple de Jérusalem, ataingia mwekalu ya Yerusalema, habillé réellement comme un roi, mwenye kuvaa kweli kweli sawa mfalme, avec tous les honneurs et tout le respect. Na heshima yote na utukufu yote. Alors l'écriture des Thessaloniciens, chapitre 3, chapitre 2 et 3, 4 s'accomplira. Et dans la pensée des Juifs, ils croiront à ce faux Messie, pensant que c'est lui qui leur a accordé la paix et la sécurité pour que la ville soit pour que le temple soit reconstruit. Et les Juifs l'accepteront comme Messie jusqu'à ce que le voile, leur voile de cœur tombe. Ils croiront à ces faux messies et tomberont dans le piège, parce que jusque là leur cœur est encore voilé. Et quand lui va se proclamer comme Dieu dans le temple de Dieu, dans la ville de Dieu, le Seigneur au ciel, notre Seigneur Jésus-Christ ne supportera pas cela. C'est à ce moment-là une bombe tombera. Quelle est la bombe qui tombera? À cet instant-là, un homme du ciel, Christ descendra du ciel comme un ange de l'Alliance, selon Apocalypse chapitre 10. Et à ce moment-là, il va anéantir le pape, l'adversaire de Dieu, l'Antichrist, qui s'était déjà proclamé comme Dieu. Christ va l'anéantir. Et les Juifs verront qu'ils ont été trompés. Ils comprendront quand Christ descendra pour se révéler à eux et pour anéantir l'adversaire. Ils comprendront que le pape que nous avons invité, par reconnaissance, parce qu'il nous avait laissé construire le temple, n'est pas le véritable Messie. Parce que lui, il vient de la terre, mais notre Messie vient du ciel. Même selon les Écritures, le Messie est un homme céleste. Vous voyez, Christ a deux origines. Il a l'origine terrestre et il a l'origine céleste. Mais celui que les Juifs attendent, ils attendent un Messie céleste, un Christ céleste. C'est pourquoi quand il est né, ils ne l'ont pas accepté. Vous voyez, et ils comprendront. Parce qu'à cette époque, le voile tombera à leurs yeux. Pazia itaondoka ku macho yao ya kiroho. Dans 2e Corinthiens. Wa Korinto wa pili. Au chapitre 3. Sura 3. Et cette écriture s'accomplira. Na hii andiko nayo itatimilika. L'église est avec moi. Kanisa inafuata. 2e Corinthiens au chapitre 3. Wa pili sura 3. Verset 14. Nous allons jusqu'au verset 16. Mais ils sont devenus durs d'entendement jusqu'à ce jour. Le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Non, non, le voile. Je reprends. Le verset 14. Mais, alakini, ils sont devenus durs d'entendement. Est-ce que c'est comme ça? Ils sont durs d'entendement. C'est-à-dire ils sont encore incrédules. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Vous voyez, après que les Juifs soient tombés dans le piège, après avoir cru à ce faux Messie, Christ lui descendra du ciel. Comme l'ange de l'alliance d'Apocalypse 10. Et anéantira l'adversaire qui s'était déjà proclamé dans le temple de Jérusalem comme Dieu. L'église est avec moi. Et ces choses maintenant se passent au milieu de la semaine. Vous voyez, ces choses se passent ici. Non, non, non, ici. Ici. On l'invite ici. C'est ici où le temple est déjà reconstruit. C'est au milieu maintenant où les Juifs invitent le pape en reconnaissance. C'est ici où il apparaît revêtu comme un roi avec tous les honneurs et les respects. Et là il se proclame comme Dieu. Et quand il le fait, c'est à ce moment-là que Christ lui-même descend du ciel pour anéantir. Vous voyez, le pape, l'antichrist. Et se révèle maintenant aux Juifs. Et quand le pape, wakati le papa, se verra être découvert, atajiona kwamba wanamufumbula, wanamtambua kileko. Maintenant les Juifs sasa wayuda comprendront qu'ils ont été séduits. Wataelewa kwamba walitongoziwa. Ils ont été trompés. Waliwadanganya. Le pape n'est pas le véritable Messie qu'ils attendaient. C'est celui qui est descendu du ciel qui est le véritable Messie. C'est au milieu de la semaine que l'Antichrist va briser l'alliance avec Israël. L'alliance de paix. Il est agano ya salama. Entre l'Antichrist. Katikati ya mpinga Kristo. Le pape. Papa. Et Israël. Na Israeli. Sera brisé. Itafunjika. Au milieu de la semaine. Ni katikati ya juma. Il fera une solide alliance. Atafanyaka avec agano plusieurs. Ya nguvu na wa mingi. Mais au milieu de la semaine. Lakini katikati ya juma. Vous voyez. Munaona. De la semaine, ici au milieu de la semaine, ici au milieu de la semaine, la semaine est là, la paix est ici, ils ont déjà reconstruit leur temple, ils ont déjà adoré, les témoins sont déjà là, voyez, ils ont déjà appelé les 144 000, vous voyez, et ici dans la première partie, alors après il vient ici au milieu, visité par les Juifs. Et là, l'Égypte d'abord le croit comme un faux messie. Christ descend comme l'ange de l'alliance. Et là, il anéantit l'antichrist et le pape. Et quand il anéantit le pape, à ce moment-là, le pape se voyant être découvert, il brise l'alliance avec Israël. Christ au milieu de la semaine se révèle à Israël comme l'agneau aux 144 000. Au milieu de la semaine, Christ se révèle à Israël. Le Seigneur se révèle à Israël comme un agneau aux 144 000. Dans Apocalypse au chapitre 14. Apocalypse au chapitre 14. Lisons commençons verset 1. J'ai regardé et voici. L'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rejetés et qui avaient été rachetés de la terre. Vous voyez, c'est au milieu de la semaine. Les 144 000, awa, awa, 144 000 ne sont pas les gens des nations. Wao hawakutoke kwa watu wa mataifa, hapana. Ce ne sont pas des gens qui viennent des dénominations chrétiennes. Kutokea kwa madhehebu ya Kikristo, hapana. Les 144 000, awa elfu, mia moja makumine na ine ya elfu ya watu, ne sont pas des gens de nations, des personnes de nations. Aina watu wa kutokea kwa mataifa, hapana. Les 144 000 ne sont pas les croyants des dénominations religieuses et dénominations chrétiennes. Ce sont des juifs. C'est pourquoi dans le verset 4, ils sont appelés vierges. Pourquoi? Ils ne se sont pas chuyés dans les fausses doctrines de toutes les dénominations chrétiennes. Ils ne font pas partie des dénominations chrétiennes qui enseignent la Trinité. Et n'ont pas cru à cela. Parce que le véritable marque de la bête, c'est la doctrine trinitaire. Celui qui croit en trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est un idolâtre et il a déjà en lui la marque de la bête. Et ces juifs, ces 144 000, ne viennent pas des nations. Non mon frère, non ma soeur, ils n'ont jamais cru dans les fausses doctrines des dénominations chrétiennes. Ils n'ont jamais cru dans la Trinité qui est enseignée, vous voyez, dans les dénominations. C'est pourquoi on les appelle des vierges. Vous voyez, ce sont ceux, ni wale wao, verset 4, msari aine, ce sont ceux, ni wale wao, qui ne se sont pas suyés avec les femmes, les dénominations. Awakulichafue na wanawake manake madhehebu. Car ils sont vierges. Wani wao weko bikira. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils n'essayent point trouver de mensonges car ils sont irréprochable. Ils n'ont jamais prêché la Trinité. Ils n'ont jamais prêché les fausses doctrines. Ils n'ont jamais établi dans leur temple une femme sacrificateur. Vous voyez, ils ne croient pas. Dans leur bouche, ils n'ont pas prêché de mensonges. Ils n'ont pas prêché de faux baptêmes trinitaires. Ils n'ont pas cru à la doctrine trinitaire. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes sœurs. Donc, ces 144 000 ne sont pas des personnes des nations. Non. Ce sont les Juifs. Dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Versets 4 à 8, lisons ensemble. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus. les fils d'Israël. Mia moja makumi ine na ine ya elfu ya kila kabila yote ya watoto wa Israeli. Il n'est pas dit. Awaseme ya kwamba. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus de la terre. Non. Les 144 000 viennent particulièrement des 12 tribus des fils d'Israël qui sont, verset 5, de la tribu de Judas, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. Verset 6. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issacar, 12 000. 8. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Vous voyez, quand nous prenons 12 000 × 12, ça fait 12 000 fois 12 tribus, ça fait 144 000. Vous voyez, de toutes les tribus des fils d'Israël. Vous voyez bien mes frères. Quand les témoins de Jéhovah enseignent et disent que les 144 000, c'est eux qui viennent de toutes les tribus, c'est un mensonge. Vous voyez bien mes frères, il n'est pas écrit ici 12 000 de la tribu de Balouba, 12 000 de la tribu de Bakarunda, 12 000 tribus. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. 12 000 du côté des Américains, ça n'existe pas. La Bible, elle est précise. Ce sont les 12 000, ce sont les 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Israël est formé par 12 tribus qui sont les enfants de Jacob qui changea de nom en Israël. Vous voyez, les 144 000 ici, c'est un type de Joseph. Vous voyez, quand Jésus-Christ, quand Jésus-Christ descend ici au milieu pour se révéler aux Juifs, vous voyez, sa révélation aux Juifs est un type de Joseph qui se révèle à ses frères. Parce que les 144 000 sont les types de Benjamin. Nous n'avons pas le temps d'en parler. Lorsque vous allez dans la Genèse chapitre 45, d'abord, Joseph avait été haï par ses frères et il fut vendu. Et on l'a vendu en Égypte. Et là en Égypte, Dieu l'avait terriblement élevé. De telle manière que Joseph, c'est lui qui commandait maintenant tout le pays de l'Égypte. Dieu avait provoqué la famine en Israël. Et les enfants de Jacob étaient obligés d'aller en Égypte, le seul pays dans lequel il y avait de la nourriture. Ils sont partis la première fois. Et l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, Moïse Joseph, avait parlé avec eux, avec sagesse pour savoir si son père était en vie, et savoir la composition de leur famille. C'est pendant la conversation qu'il dit, il dévoilait à Joseph wakamvumbulia Yusufu que quand nous sommes venus ici nous avons laissé notre vieux père avec un autre frère. Joseph savait que c'était ses frères, mais ne les connaissait pas. Il dit, nous étions au nombre de 12. Maintenant, un est déjà mort, le un qui disait qu'il était mort, c'était Joseph qui était devant eux, mais il leur parlait en langue égyptienne. Il dit, un autre est resté auprès de notre vieux papa. Quand Joseph a entendu qu'il y a eu un jeune frère qui est né après son départ, son cœur vibra et il tenait à tout prix de voir cet enfant-là. Il a bien noté les explications de leur frère. Et il dit aux serviteurs, comme leur séjour était à leur terme, alors il dit, donnez à chacun d'eux de la nourriture. Mais quand vous remettez les sacs de chacun, prenez l'argent, mettez l'argent. Mettez dans le sac de chacun. Retournez l'argent qu'ils ont donné. Et c'est ce que les serviteurs firent. Israël, ou les enfants de Jacob, sont rentrés vers leur père. Ils ont dit, nous avons trouvé quelqu'un, celui qui commande Israël, qui commande l'Égypte. Il a été bien vaillant avec nous. Et il nous a donné de la nourriture et il nous a même remis l'argent. Ils ont mangé la nourriture qu'ils avaient amenée, les stocks étaient terminés, ils étaient obligés de retourner encore. Quand ils retournent, vous voyez, parce qu'il leur avait donné la mission de dire, ah, si vous voulez revenir encore ici en Égypte et voir ma face, j'aimerais voir votre frère cadet que vous avez dit qu'il est resté à côté de votre vieux père. Alors je saurai si vous êtes véridique et que vous n'êtes pas des espions. Si vous n'avez pas votre frère, votre jeune frère, ne venez pas. Quand ils ont annoncé cela à leur père Jacob, il avait résisté longtemps, mais il ne pouvait pas résister contre la famine. Il était obligé de prendre Joseph, et de prendre plutôt Benjamin, et de leur donner pour qu'il aille chercher la nourriture. Et ils sont allés avec l'instruction. Je ne veux pas entendre l'instruction de leur père. Je ne veux pas entendre que mal est arrivé à mon fils cadet Benjamin. Parce que j'ai déjà perdu l'autre. Si quelque chose de mal lui arrivait, vous me ferez partir dans la tombe avec un cœur triste. Ils ont promis qu'ils ramèneront leur jeune frère. Et quand ils sont arrivés, et en Égypte, et Joseph qui était à la fenêtre les avait vus. Il dit, laissez-les entrer, ils sont entrés. Et ils les avaient bien reçus. Vous pouvez lire cette histoire dans la Genèse. Et ils avaient bien reçu. Na, et ils les avaient même invités à la table. Pour dîner avec eux. Et ils avaient placé. Na, waweka, ils avaient placé selon les âges. Walijipanga kufatana na miaka yabo ya kuzaliwa. Et après avoir fait cela. Kisha kufanya vile. Et ne croyez pas encore, ils ne comprenez pas. Mais quand Joseph voit son frère, le cadet, de la même mère, il ne pouvait pas se contenir. Et il a fini par se dévoiler. Il a fini par se révéler pour dire l'homme que vous disiez là, votre frère, que vous disiez qu'il était décédé, c'est moi, votre frère Joseph, que vous avez vendu. Ils ne pouvaient pas se contenir. Ils ont pleuré. Joseph pleurait. L'Égypte et ses frères pleuraient. Vous voyez bien mes frères. Et il pleurait avec peur. Croyant qu'il va se venger. Joseph leur disait, soyez en paix. Ne vous faites pas de soucis. C'est votre Dieu là qui a fait que vous me vendiez pour que je vienne ici en Égypte pour vous conserver la vie au temps de la famine. Vous voyez bien mes frères. Vous connaissez l'histoire. Vous allez lire cela dans la Genèse chapitre 45. Et il leur a demandé d'aller ramener toute la famille. D'aller ramener Joseph, donc d'aller ramener leur père Jacob. Vous voyez. Quand Jésus se révèle ici, aux 144 000, c'est ça l'accomplissement du type de Joseph qui se révèle à ses frères. Vous voyez bien mes frères, Christ descend à Benjamin. Kwa Benjamina, aux 144 000, il se révèle comme un agneau, comme l'agneau. Vous voyez bien mes frères. Et aux autres juifs, il se révèle comme le lion de la tribu de Juda. Quand Christ, au milieu de la semaine, se révèle aux 144 000. Il y a deux révélations. Premièrement, il se révèle aux 144 000 qui sont les élus parmi tous les Juifs qui ont reçu le sceau de Dieu. Et pour eux, il se révèle comme un agneau. Mais au reste des Juifs, ceux qui ne sont pas dans les 144 000, là, il se révèle comme les lions de la tribu de Juda. C'est vrai. Ni kweli. Notez cela. Muyandike. Quand Jésus-Christ descend wakati Yesu Christ na yeko na shuka, au milieu de la semaine katikati ya juma, pour se révéler à Israël, ja kujifunua kwa Israeli, qui a été trompé par le faux prophète, l'Antichrist, il se révèle de deux manières. Premièrement, il se révèle aux 144 000 comme un agneau, mais au reste des Juifs, qu'il ne se retrouve pas dans les 144 000, il se révèle comme le lion de la tribu de Juda. C'est vrai. Lorsque Christ se révèle pour la deuxième fois aux Juifs comme les lions de la tribu de Juda, vous voyez, il n'est plus agneau. C'est vrai. Ni kweli. Il n'est plus agneau. Ye yapa, ana tena mwana kondoo. Et il n'est pas lion. Na ana tena simba. Mais alakini, il descend comme lion. Anashuka sawa simba. Vous voyez. Munaona. Et là ça compris. Na ile nayo inatimilika. Apocalypse 10. Ufunuo sura 10. 1 à 4. Moja kufika na ine. Au milieu de la semaine. Kati kati ya juma. Après que les Juifs. Kisha wa Yuda. Et découvert qu'ils ont été trompés par l'Antichrist. Christ descend du ciel. Il se révèle à eux. Il se révèle premièrement aux 144 000 comme un agneau. Et aux Juifs, il se révèle comme les lions de la tribu de Juda. Et lorsqu'il se révèle pour la deuxième fois aux Juifs comme un lion, il n'est plus un agneau et il n'est pas un lion, mais il descend comme un lion. C'est Apocalypse 10 dans son verset 1 jusqu'au verset 4. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. La nuée, wingu, c'est un signe de l'alliance. Au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. L'alliance que Dieu a traité avec le monde. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer. Et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une forte voix. Il cria d'une voix forte. Comme rougit le lion. Et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Vous voyez bien mes frères. Ici il descend, tenant en sa main un livre ouvert. Parce que le livre qui était fermé au chapitre 5 a déjà été ouvert dans le dernier âge de l'église de la Odyssée. Maintenant il a le livre ouvert. Et là les sept tonnerres s'accomplissent. Quand il se révèle ici pour la seconde fois comme un lion, il n'est plus un agneau, il n'est pas un lion, mais il descend comme un lion. C'est pourquoi il rougit. Il sera un lion. Simba, c'est dans le millénium. Ni mutawala wa miaka elfu. Mais ici, lakini hapa, il est comme lion. Eko sawa simba. Il descend comme lion. Anashuka sawa simba. Vous voyez, munaona, l'arc-en-ciel upinde est un signe de l'alliance de Dieu. Ni alama ya gano ya Mungu. Lorsque nous lisons dans la Genèse, wakati tunasoma mwanjo, au chapitre 9, mwanjo sura yake ya 6, dans son verset 13, sura ya 13, Dieu dit ceci, Mungu anasema hivi, j'ai placé mon arc dans la nuit, nariweka upinde yangu mwa et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Il descend avec un livre déjà ouvert, car ce livre a déjà été ouvert au temps de l'âge de la Odyssée. Les sept tonnerres gronderont quand Christ descendra comme lion pour les Juifs. Les sept étonnés d'Apocalypse 10 gronderont littéralement. C'est lorsque Christ descendra au milieu de la semaine pour se révéler à ses frères juifs. Et là, il descend comme un lion, mais il n'est pas un lion. Il sera lion au millénium. Vous voyez bien mes frères. C'est pourquoi vous pouvez noter, quand vous prenez le verset 4, les sept étonnés ne sont pas écrits dans la Bible car ils ont prononcé. Car ce qu'ils ont prononcé n'est pas consigné dans la Bible. Voyez, les sept étonnés ne sont pas écrits dans la Bible. Cela signifie, ce que les sept étonnés ont prononcé ne sont pas écrits dans les pages de la Bible. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit les sept étonnés ne concerne pas les gentils. On n'a pas écrit ce que les sept étonnés ont dit dans la Bible. Parce que ces paroles-là ne concernent pas les gentils. Les âmes de l'Église. Vous voyez bien mes frères. Les sept âmes de l'Église sont déjà passés. Quand il vient ici, il gronde. Les livres scellés de cette sceau avaient déjà été ouverts par le dernier messager dans l'âge de la Odyssée. Et le dernier messager dans l'âge de la Odyssée, il a ouvert tout le mystère de la Bible pour donner la révélation à l'époux des nations. Mais quand Christ descend ici comme un lion, il descend ici comme un lion et que le tonnerre gronde, les âmes de l'Église sont déjà passés. Vous voyez, Douglas, tu n'as pas regardé dans votre dans le schéma. Regardez la différence et donc le temps qui se passe. Là de la Odyssée est là, l'enlèvement est là, là nous sommes au milieu. Il y a déjà une différence de 3 ans et demi. Quand il se révèle ici comme lion, vous voyez, aux Juifs, les âmes sont déjà derrière nous. Vous voyez bien mes frères. Et pourquoi? Pourquoi les paroles qu'ont prononcé les sept étonnés n'ont pas été considérées dans les pages de la Bible? C'est parce que ces choses-là ne concernent pas les gentils, cela ne concerne pas les âmes de l'Église. C'est pourquoi dans le verset 4 il est dit, quand les sept étonnés eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Quand les étonnés ont parlé, j'ai entendu. Il a entendu ce qu'on dit les étonnés. C'est pourquoi il prit son stylo. Comme il écrivait d'autres choses, il voulait écrire. Maintenant la voix lui dit, non Jean, n'écris pas ce qu'on dit les sept tonnerres. C'est cela. Vous voyez, j'entendis du ciel une voix qui disait, seul ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. C'est pourquoi tous ceux qui prêchent les sept tonnerres, ils trompent les gens. Les gens qui disent que les sept âges ou les sept sceaux ou la révélation des sept sceaux, c'est ça la révélation des sept tonnerres. il mente aux gens. Les sceaux ont révélé les choses qui sont consignées dans les pages de la Bible. Parce que Jean avait reçu la mission d'écrire tout ce qu'il voyait et ce qu'il entendait dans un livre. C'est Apocalypse chapitre 1. Écris dans les livres ce que tu vois et ce que tu entends. C'est ce qu'il devait faire. C'était la mission de Jean de l'Apocalypse. Mais ici on lui dit, n'écris pas cela. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Prenons Apocalypse chapitre 1. Dans son verset 11. Commençons même au verset 10. J'ai vu saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une forte voix comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises à Éphèse, Smyrne, à Pergame, à Thyatira, à Smyrne, à Pergame. Je reprends. Écris-le, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatira, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Vous voyez, tout ce que Jean voyait, il devait le consigner dans la Bible. Mais quand il arrive au chapitre 10, et vous savez que chapitre 10, l'église est déjà enlevée au chapitre 4. Et ce qui se traite ici ne concerne pas l'église des nations. L'épouse est au ciel. Dieu maintenant traite avec Israël. Et Dieu dit, la voix dit à Jean, n'écris pas ce qu'ont prononcé les sept tonnerres. Vous voyez, c'est le. Pourquoi ça n'a pas été écrit? Parce que cela ne concerne pas les gentils. Cela ne concerne pas les âges, les sept âges de l'église. Les sept âges de l'église sont déjà passés. Quand il jure ici qu'il n'y a plus de temps, vous voyez, quand il jure qu'il n'y a plus de temps, il ne reste que 3 ans et demi jusqu'au millénium. Regardez ici, même dans votre tableau, ici au milieu. Quand Christ ici se révèle comme il descend comme un lion et qu'il jure ici qu'il n'y a plus de délai jusqu'au millénium, vous voyez, il n'y a que 3 ans et demi. Parce qu'ici il se révèle au milieu de la semaine. Il sera déjà consommé Israël. Le 3 ans et demi de la paix. Ici au milieu, l'alliance est brisée. Vous voyez, et ici au milieu, Christ s'est révélé comme un lion. Vous voyez, et ici il jure qu'il n'y a plus de délai. Et quand il jure de cette manière, entre le moment où l'ange puissant descend et qu'il jure jusqu'au millénium, il ne reste que 3 ans et demi. Apocalypse chapitre 6. Chapitre 10, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 10, verset 6. Apocalypse 10, verset 6. Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles. Qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aura plus de délai. Vous voyez, quand il jure là, il n'y a plus de délai. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Alakini musiku ya sauti ya malaika wa saba, wakati atapika parapanda, siri ya Mungu itatimilika vile alitangaza kupitia le mystère de Dieu. Siri ya Mungu, c'est Christ. Ni Kristo. C'est la divinité de Jésus-Christ. Ni Mungu wa Yesu Kristo. Israël connaîtra que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. C'est au milieu de la semaine lorsqu'il va se révéler. Vous voyez, le septième ange qui sonne la trompette, quand vous regardez les autres trompettes à partir du chapitre 9, ce septième ange là, c'est un ange qui sonne dans le compte de Dieu les trompettes de la colère. Mais ce verset a un double sens. Il s'accomplit littéralement au septième ange de cette trompette, au septième ange de ces sept anges qui sont les trompettes de la colère de Dieu. Mais ici, Abraham a utilisé ce verset pour son ministère parce qu'il était le dernier parmi les messagers des âges de l'Église. C'est ainsi que vous lisez souvent dans le message, Frère Branham utilise les termes mystère au pluriel. Ici dans la Bible c'est écrit le mystère qui est Christ. Nous pouvons le lire dans Colossiens. Vous voyez. Mais les mystères, il y a beaucoup de mystères dans la Bible qui étaient voilés et qui devaient être ouverts. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Quand ça concerne Frère Branham, lorsque il a trompété les trompettes de l'évangile, tous les mystères de la Bible se sont révélés ou ont été révélés. Vous voyez, il ne pouvait pas révéler les sept tonnerres parce que les sept tonnerres ne sont pas écrits dans la Bible. Et ce qu'on prononçait cet honneur concernait les Juifs. Vous voyez. Et je disais ici, quand Christ se révèle comme lion et qu'il jure qu'il n'y a plus de délai ou de temps, il ne reste que 3 ans et demi jusqu'à la fin, jusqu'au millénium. Christ en descendant du ciel sera reconnu par ses frères. Oui bien-aimés frères. Oui bien-aimés sœurs. Mais ils verront l'homme du ciel avec les plaies dans sa main. C'est ce qui va les troubler. Quand il descend pour anéantir l'Antichrist, il voit un homme du ciel avec les plaies dans ses mains. Quand il se révèle à eux, ils comprennent qu'ils ont été trompés par le pape. Le véritable Messie, c'est celui qui vient du ciel. Vous voyez, ils vont remarquer ces plaies. C'est à ce moment-là que Zacharie aussi, chapitre 13, va s'accomplir. Zacharie chapitre 13, dans son verset 6, et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. Vous voyez, quand Christ se révélera aux Juifs, aux 144 000, à ce moment-là, ils verront l'homme qui descend du ciel avec les plaies. C'est ainsi qu'ils vont lui poser la question. Toi qui descends du ciel, nous t'avons vu descendre du ciel et tu as anéanti l'Antichrist. Maintenant, d'où te viennent tes blessures? Et il leur dira, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que j'ai reçu cela. Vous voyez bien mes frères? Vous voyez bien mes soeurs? Il leur dira, j'étais déjà venu, mais vous ne m'avez pas reconnu. Vous m'avez tué. Vous avez même réclamé mon sang. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, je vous avais aveuglé pour que votre salut soit accordé aux nations. Maintenant que les nations sont sauvées, je viens maintenant pour me révéler à vous. Parce que vous êtes les héritiers de Dieu, les héritiers de toutes les promesses de Dieu, les héritiers de toutes les alliances de Dieu à cause d'Abraham, votre père. Je ne vous ai pas rejeté pour toujours. Je vous aimais d'un amour éternel et vous, c'est par ignorance que vous m'avez tué. Et quand ils entendront cela, ils vont commencer à pleurer. Oui, bien aimés frères, ils vont commencer à pleurer. Ils vont commencer à se repentir. Nous lirons cela. Ils vont commencer à se repentir. Ils vont pleurer amèrement. Ils diront, pourquoi nous avons tué notre Messie? Pourquoi nous avons tué notre Sauveur? La Bible dit, ça sera un grand deuil. Oui, bien aimé frère, ça sera un grand deuil. Il y a des gens qui ne sont pas là. Nous sommes pas. Nous sommes seulement au milieu là. Ah, tu n'as nulle part. Parce que pas par milieu, peut que bien tu viens mine. Là au milieu de la semaine, il y a beaucoup. Voyez bien mes frères. Ils sauront que celui qui vient de Dieu, qui vient du ciel, est le véritable Messie. Ils sauront, après que le voile, dans l'air qu'elle soit tombée, ils verront que ceux qui avaient tué le Messie, ils vont mener deuil, comme on plaît le premier-né. Vous voyez, quand Joseph s'était révélé à ses frères en Égypte, allez lire dans Genèse chapitre 45. Ils ont pleuré de telle manière. Leur pleure a été entendue même chez Pharaon. Et tout le monde s'est posé la question de savoir, qu'est-ce qu'il ne va pas dans le palais de Joseph? nyumba ya Yusufu ni on leur disait ses frères sont venus et Joseph s'est révélé à eux. Yusufu anajifunua kwao. Ça sera un grand deuil. Et quand Israël, les 144 000, découvriront qu'ils avaient tué leur Messie, ils vont se repentir, ils vont pleurer, ils vont pleurer, ils vont se lamenter. Et Christ Jésus leur dira, ne vous lamentez pas, ne pleurez pas, Dieu a fait toutes ces choses, c'est pour votre bien, pour votre sécurité, pour votre protection pendant la grande tribulation. Vous voyez, ça sera un grand deuil. Ils pleureront. Nous allons lire cela en Zacharie. Au chapitre 12. Ils vont pleurer. Et Christ va commencer à les calmer. Christ va commencer à les calmer. Ça sera un grand deuil qui n'a jamais eu. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Et à ce moment-là, la mort des deux prophètes, les deux prophètes sont déjà tués et sont déjà enlevés. Leur ministère est déjà terminé. Quand Christ se révèle ici, Élie et Moïse sont déjà tués par l'Antichrist. Et ils sont déjà enlevés. Dans Apocalypse au chapitre 11, ils sont déjà enlevés. Dans le verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Et leur cadavre seront sur la place de la grande ville qu'on appelle symboliquement Sodome et Égypte. Na vitumba vya mili yao wataiweka pa fazi ya muji na ile fazi wanaita kwa kiroho là même où le Seigneur a été crucifié. Après que les deux témoins, Moïse et Élie, achevaient leur ministère, ils seront tués par la bête et leur cadavre sera exposé dans la grande ville qui est appelée symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. C'est à Jérusalem. Donc ils seront tués par la bête et leur corps sera exposé à Jérusalem et toutes les télévisions du monde entier verront leurs cadavres. Verset 9. Des hommes entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis au sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns les autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrera en eux et ils se tenaient sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Na oga munene itashika wale walikuwa na waona. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, monte ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Na watasikia sauti ya kutoka mbingu na kusema panda huku, na watapanda kumbingu na waadui wao watawaona. Après leur ministère, ils seront tués. Leur corps sera exposé à Jérusalem pendant 3 jours et demi. Et tous les habitants de la terre verront leurs cadavres pas au moyen de la télévision. Et après cela, un esprit viendra en eux et ils monteront, ils seront ressuscités. Vous voyez bien mes frères, vous voyez bien mes soeurs. Après que Christ se soit complètement révélé aux Juifs, l'Antichrist est anéanti et il n'a plus rien à faire. C'est ainsi que l'Antichrist se mettra en colère. Il brisera l'alliance et commencera la persécution. Il tuera les 144 000, et c'est ici où s'accomplit le septième sceau. Vous voyez bien mes frères, vous voyez bien mes soeurs, c'est ici où le septième sceau s'accomplira. Après que Christ se soit révélé aux 144 000, les Juifs découvrent les faux prophètes, le véritable Messie et Sauveur descend du ciel et se révèle à eux, ils les croient. Vous voyez, après qu'ils les croient, après leur foi, et Dieu leur garantit la sécurité, l'Antichrist, après avoir vu qu'il a été renié, il brise la colère, il brise l'alliance dans toute sa colère, et la persécution commence là. Il tue les 144 000 et c'est l'accomplissement du 7e saut. Il ne faut jamais confondre la révélation du 7e sceau, vous voyez, et son accomplissement. Ou il ne faut pas confondre la révélation des 7 sceaux et l'accomplissement des 7 sceaux. Ce sont des choses différentes. La révélation des 7 sceaux s'est déjà accomplie dans le dernier âge de la Odyssée. Mais l'accomplissement des sceaux ne se sont pas accomplis dans le 7e âge de l'église, non. Vous voyez bien mes frères, il y a certaines choses que nous allons expliquer plus tard. Vous voyez bien mes frères, l'Antichrist, le pape, qui à ce moment-là, il sera en colère contre les 144 000 et contre tout le monde. Vous voyez, et il va commencer à persécuter les Juifs et à tuer les 144 000. C'est à ce moment-là, Dieu voyant la colère de l'Antichrist contre les Juifs et les tueries contre les 144 000, il verra son comportement. Dieu aussi se mettra en colère, vous voyez, contre l'Antichrist. C'est alors que s'accomplira les 7 trompettes et les 7 coupes de la colère de Dieu. Quand Dieu verra que l'Antichrist est mis en colère Et il a commencé à agir d'une manière méchante contre les 144 000 et contre les restes. Dieu aussi va déclencher sa colère par les sept trompettes et par les sept coupes de la colère de Dieu. Maintenant, le temps de la colère commence. Vous voyez, dans la deuxième moitié de la semaine, le temps maintenant de la colère de Dieu va commencer. Dieu va commencer maintenant à déverser des fléaux, comme nous allons les lire la semaine prochaine. Vous voyez bien mes frères, voyez bien mes soeurs, et Christ descend après cela, après le scellement des 144 000. Quand les 144 000 sont scellés et que la bête se met en colère, c'est à ce moment là que Dieu aussi se met en colère maintenant pour déverser les fléaux sur la terre. Pourquoi Dieu se met en colère? Il n'y a plus de grâce. Il n'y a plus d'œuvre à faire. C'est vrai. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à protéger sur la terre. Vous voyez bien mes frères. Christ, ou Dieu, en voyant le comportement de l'Antichrist sur les 144 000 et sur les autres personnes, lui aussi se mettra en colère et sa colère va se déverser par les sept trompettes et par les sept coupes de la colère de Dieu. Et Dieu se met en colère pourquoi? Il n'y a plus rien à protéger sur la terre. Il n'y a que des incrédules. Que ce soit sur du côté des nations, que ce soit du côté d'Israël, il n'y a plus rien à protéger. C'est vrai frère. Quand Christ était venu pour l'église des nations, il ne faisait pas peur. Il était un serviteur, il était un agneau. Lorsqu'il descend pour Israël et Israël s'est converti, il se révèle à eux comme un agneau. Pour les incrédules d'Israël, il se révèle comme un lion. Et quand Israël s'est converti, le temps de la grâce est complètement fini. Vous voyez bien mes frères. Quand Israël s'est converti, la grâce est complètement finie sur toute la terre et sur tout le monde. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Que ce soit pour les nations, que ce soit pour Israël, plus de salut. Vous voyez. L'épouse est déjà sauvée, il est déjà enlevé, les 144 000 sont sauvés et déjà tués, et les vierges folles sont déjà sauvées et déjà tuées, parce que les vierges folles sont sauvées maintenant. Ils ne seront pas sauvés après l'enlèvement de l'épouse, non. C'est vrai frère, c'est vrai ma soeur. Israël maintenant, voit que Jésus-Christ est le Christ le Seigneur. Et quand il croit qu'il est Christ le Seigneur, c'est Zacharie chapitre 12, lisons cela. Donne-moi 5 minutes. Zacharie chapitre 12. Ici, il n'y a plus de grâce. Que ce soit pour les nations, que ce soit pour les juifs, aux nations, Dieu a déjà sauvé les l'épouse, les vierges folles aussi sont déjà sauvées, même les appelés sont déjà appelés, les appelés sont dans la tombe, les vierges folles sont dans la tombe, les 144 000 sont dans la tombe, l'épouse est au ciel, et sur la terre, plus de grâce, sur la terre, il n'y aura plus de prières qui peut être exaucée. Sur la terre, il n'y a que des méchants. L'Esprit de Dieu a déjà été ôté de la terre. Il n'y a que l'Esprit du diable qui règne maintenant sur toute la terre. À leur tête, il y a maintenant l'Antichrist, le Pape, qui deviendra la bête. C'est vrai, frère. Mais Zacharie chapitre 12, Israël a déjà cru que Jésus est le Christ. Et alors s'accomplit cette écriture. 12, prenons verset 10 à 14. Alors, Zacharie 12, 10 à 14. Alors, mais nous pouvons commencer au verset 9. En ce jour-là, je me forcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils se tourneront vers, ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Batageuza macho yabo na kuniangalia mie ule walitobola. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Batalia yulu yake sawa vile wanaliaka mtoto. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur le premier né. Batalia na uchungu paka vile wanaliaka mzaliwa wa kwanza. En ce jour-là, ile siku, le deuil sera grand à Jérusalem. Kilio kitakuwa kinene mu Yerusalemu. Comme le deuil d'Adadrimon, dans la vallée de Megiddon, le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part, la famille de Shimei séparément, et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Vous voyez, ici, Dieu va expier, va pardonner toutes les iniquités d'Israël, comme nous le verrons plus tard. Oui, bien-aimés frères, oui, bien-aimés sœurs, quand Christ descend, et que le monde entre dans la colère de Dieu, s'accomplira aussi Malachie chapitre 3. Malachie sura 3. Disons cela, Malachie chapitre 3. Malachie sura 3. Verset 1 jusqu'au verset 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance. Le messager de l'alliance. Soulignez dans votre Bible le messager de l'alliance. Ça, c'est pour Israël. Que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir les jours de sa venue, qui restera debout quand il apparaîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Il satiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épulera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Vous voyez, quand nous prenons Malachie Apocalypse chapitre 6, Apocalypse chapitre 6, s'accomplira aussi. Quand Christ descend ici, le monde entre maintenant dans la colère. Dieu maintenant est en colère. Ok, dans le verset 12. J'ai regardé. Quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de la terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Et la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme les fugue verte d'un figuier secoué par le vent violent. Vous voyez, vous pouvez aller jusqu'au verset jusqu'au verset 17. Je lis maintenant dans le verset, continuons pour terminer. Le ciel se retirera comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées à leur place. Le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la colère de celui qui est sur le trône. Et devant la colère de l'agneau, car le jour, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Vous voyez bien mes frères, vous voyez bien mes soeurs, quand tout est terminé pour le salut d'Israël, que ce soit parmi les nations, que ce soit du côté d'Israël, tout celui qui devait être sauvé est déjà sauvé. Dieu maintenant ôte le sang sur toute la terre. Son trône, sur son trône, il n'a plus de sang entre ses mains pour plaider pour les gens. Le temps de la colère est venu. Maintenant, ce n'est plus un agneau avec les yeux doux. Maintenant, c'est un agneau avec des yeux rouges. La colère de l'agneau est venue. Maintenant, les coupes et les trompettes, les fléaux sont prêts à s'abattre sur la terre pour manifester la colère de Dieu sur tous les incrédules qui ont rejeté le salut, que ce soit parmi les nations, que ce soit parmi les Juifs. Ils doivent maintenant sentir la colère de l'agneau. Et personne ne va subsister. Il n'y aura personne qui sera sauvé. Pendant cette période-là, Mumaro yabantu bote. Bala bakokole ouwe. Munekala paka mademo. Ya méchanceté. Munekala paka chetani. Amuna tena kabuluma ataka moya. Et Dieu maintenant doit les punir. Il doit punir toute la terre. Il doit purifier la terre. pour préparer le millénium. Oui, bien aimés frères et sœurs. Et là, nous sommes qu'au milieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi le temps du salut, c'est maintenant. Et nous ne sommes pas loin de ces choses que nous sommes en train de vous expliquer. Parce que quand l'enlèvement, quand l'enlèvement vient, l'épouse part, ce qui reste là, il n'y a plus rien à espérer. Voyez bien mes frères et sœurs, c'est pourquoi faites vite vite pour aller avec le Seigneur, profitez de la grâce de Dieu. Et chacun de vous ne pense pas venir être venu en retard. La grâce est encore là. Aujourd'hui tu vas prier, Dieu va t'exaucer. Mais quand le temps de la colère viendra, il n'y aura plus de miséricorde, il n'y aura plus de grâce, il n'y aura aucune prière qui sera exaucée en faveur des humains. Tout qui est sur la terre doit être détruit. Parce que ceux qui sont là ont déjà rejeté, ils ont rejeté la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous pour la prière. Nous continuerons. Vous voyez, nous avons beaucoup insisté ici. Tout ça, ce qui va se passer au milieu de la semaine, comment le Vatican va négocier avec Israël, avec l'organisation de la libération de la Palestine, et avec les États arabes qui sont voisins à Israël, ils vont signer leur alliance. Après avoir signé l'alliance, et Israël va maintenant construire le temple. À la fin de la construction du temple, ils vont inviter le pape à venir visiter leur construction. Et quand il viendra le pape, il ne viendra pas comme un simple homme. C'est là qu'il va se déclarer comme Dieu. Et les Juifs croiront d'abord à un faux Messie. Après avoir accru à un faux Messie, Christ lui descendra du ciel. Il va se révéler, il va anéantir l'Antichrist. Et il va se révéler maintenant au sien. Maintenant, quand l'Antichrist verra que il a été rejeté et découvert, il se mettra en colère, il brisera l'alliance, et la colère et la persécution commencera. Il va tuer les 144 000. Il va maintenant créer du trouble. Et maintenant il va agir comme une bête sans respect de Dieu, sans respect des saints. Il ne respectera plus personne. Et quand Dieu verra la colère de la bête, de l'Antichrist, contre les Juifs et contre les 144 000, Dieu aussi se mettra en colère. Il vient aussi pour déverser les 7 trompettes, les 7 fléaux, les 7 coupe de la colère de Dieu sur la terre, parce qu'il n'y a plus rien à protéger sur la terre. Israël a déjà reçu son salut. Ces deux nations sont déjà sauvées. Maintenant c'est le temps de la colère. Et à ce moment-là, Satan fera des choses méchantes qu'il n'a jamais fait dans la bête, dans le pape, dans l'Antichrist. Que le Seigneur vous bénisse. On chante un petit cantique. Que mukenja iba kwetu nyanda umbai wanayo. Msigawie neno muisha sikia. On peut chanter cela avant de prier. Tuimbe ile mbele ya kuomba. Mm-mm. Oh.